quatrième et dernier moment de notre série « Éduquer dans son temps » en lien étroit avec le thème de la Nuit des idées qui se déroulera ce soir partout en France et dans le monde à partir d'une formule « Face au présent ». Après Confucius, lundi, les jésuites, mardi et hier, l'irruption des images en mouvement dans les institutions d'enseignement. Nous nous intéressons, dans cette quatrième partie de notre série Éduquer dans son temps, dans le documentaire de ce matin, à la fin du 19e siècle et à l'invention d'une morale pour l'école de la 3e République, la morale laïque. Grâce à une balade concoctée par Isabelle Arnoux et conduite par Marianne Lombardi et Delphine Campagnol au sein des réserves du musée de l'éducation de Rouen et à l'analyse de chercheurs comme Frédéric Moll et Rita Hermont-Bello, nous allons tenter de comprendre ce matin comment la morale laïque s'est inventée entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale, un documentaire réalisé par Renaud Dalmar. Quiconque sait lire est un homme sauvé. La paresse rend tout difficile, le travail rend tout aisé. Honorez vos parents, surtout dans leur vieillesse. Comment les petites filles honorent-elles leur patrie? La propreté, c'est la santé. Je serai toujours propre sur tout mon corps. 1880-1918, l'invention de la morale laïque. Un documentaire d'Emmanuel Laurentin et Renaud Dalmar. Plus fait douceur que violence. Marianne Lombardi, nous sommes à Rouen au Musée national de l'éducation, dans une classe reconstituée de l'école dite Ferry de la Troisième République. Il y a le grand tableau noir, derrière moi évidemment les petites tables et les bancs à encrier. Ça fait partie des leçons de morale, une maxime comme celle-ci? Oui, tout à fait. Les programmes sont assez clairs. Chaque jour commence par une leçon, soit morale, soit civique, un jour sur deux, et de 8h à 8h30. Ça infuse vraiment le quotidien de toute la journée de la classe. Les phrases sont des maximes, sont des proverbes en fait de la vie courante, j'ai envie de dire. Là, on parle d'instruction primaire, donc on va pas faire référence forcément à des textes anciens, même si des phrases pour certaines le sont. Mais le but, c'est vraiment d'amener sur le concret de l'enfant. À partir d'une phrase comme ça, on fait réfléchir à l'enfant ce qui s'est passé dans la cour de récréation, ce qui se passe en famille, à la maison. Quand on parle d'instruction morale et civique, il y a vraiment les deux aspects. On a un gros point sur cette époque-là. Qui perdure assez longtemps, sur la lutte contre l'alcoolisme. La lutte contre l'alcoolisme vue d'une façon morale, c'est une déchéance morale et ses effets très concrets. On a la grande époque, Zola, l'Assommoir, la lutte contre l'absinthe, vous resituez. Et concrètement, là, dans la salle de classe, on a un très beau foie d'alcoolique, donc qui est une sculpture. Donc il y a une sculpture en résine, donc c'est marqué un foie d'alcoolique, la maison des Rolls, qui est une maison d'édition de ce type d'objet, et donc on voit un foie déformé, d'alcoolique, cirrosé exactement, qui fait penser à nos jours ce qu'on peut voir sur des paquets de cigarettes pour la lutte contre le tabagisme, sur d'autres aspects, donc on est vraiment là-dedans. L'école de Jules Ferry est bien sûr l'école populaire par excellence, entre 6 et 13 ans, et qui concerne essentiellement les classes populaires, qui concerne essentiellement que les classes populaires. Et l'objectif, c'est de faire des bons citoyens. La naissance de la Troisième République s'accompagne d'un cortège de lois autour de l'école publique, généralement qualifiée de loi Ferry du nom du ministre de l'Instruction publique du moment, Jules Ferry. Votée en 1881 et 1882, elle concerne l'instauration d'un enseignement primaire, public et gratuit, puis obligatoire, et développe l'idée d'une instruction laïque. Mais qu'est-ce que cette laïcité qui s'invente à cette époque et comment la distinguer de l'enseignement des préceptes chrétiens qui a prédominé jusqu'alors? Les penseurs de cette nouvelle école vont insister sur la dimension civique de cette laïcité et inventer une morale à la hauteur de l'enjeu politique et social du moment. Rita Hermon-Bello, historienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. L'idée d'une morale laïque, c'est l'idée d'un éloignement de la religion. Mais là aussi, la genèse, le parcours qui va permettre à cette idée de s'imposer, ça n'est pas un parcours continu. C'est un parcours qui passe par des phases particulières. Et en fait, moi je verrais, et dans l'idée d'une morale laïque enseignée à l'école, je verrais comme deux bornes liminaires, deux textes que j'ai apportés avec moi. Alors, le deuxième, celui qui est vraiment le moment où la morale laïque à l'école s'impose, ça ne vous étonnera pas, c'est la lettre de Jules Ferré aux instituteurs de 1883. En contraste avec ce texte-là de 1883, moi je voudrais rappeler le discours de Portalis en avril 1802, quand il présente au corps législatif l'organisation des cultes qui a été conçue par lui et par l'entourage de Napoléon, et Napoléon, enfin Bonaparte en 1802, y a mis la main, et qui va être la base du système des cultes pendant tout le 19e siècle. Et il me semble que l'évolution, elle se fait dans ce cadre. Et si je peux me permettre de vous lire ce qu'a dit Portalis dans un très très long discours, hein, s'adressant au corps législatif, donc avril 1802. Or, l'utilité ou la nécessité de la religion ne dérive-t-elle pas de la nécessité même d'avoir une morale ? L'idée d'un Dieu législateur n'est-elle pas aussi essentielle au monde intelligent que l'est au monde physique celle d'un Dieu créateur et premier moteur de toutes les causes secondes ? L'athée qui ne reconnaît aucun dessein dans l'univers et qui semble n'user de son intelligence que pour tout abandonner à une fatalité aveugle, peut-il utilement prêcher la règle des mœurs en desséchant par ses désolantes opinions la source de toute moralité ? Donc il y a un lien pour Portalis entre religion et morale, en l'occurrence. Il y a un lien absolu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de fondement de la morale sans faire appel à une religion. Alors on est très loin de Jules Ferry et de la fin du 19e siècle, en l'occurrence. On est au tout début. On est très loin, mais on est quand même au début du 19e siècle, parce que un petit peu plus tôt dans son discours, Portalis s'est félicité de ce que la liberté des cultes existe et la pluralité religieuse existe. Alors, ce qui va instaurer là, avec les articles organiques, l'organisation des cultes au temps de Bonaparte, c'est une pluralité limitée, mais c'est quand même une pluralité. Donc, vous voyez là, on a une pensée de la pluralité religieuse, mais qui va quand même ancrer la morale dans l'attachement à un Dieu créateur. Marie ! Monsieur Cordier ! Vous croyez-vous sur une place publique ? Marianne Lombardi, vous avez choisi de nous placer devant un tableau que vous allez nous décrire et nous dire pourquoi, quand on réfléchit à la question de la morale chrétienne d'un côté et de la morale laïque qui va naître à la fin du 19e siècle en tant que telle, eh bien ce tableau est important. Fait un tableau de 1839 d'Antoinette Asselineau qui représente une salle de classe typique de cette époque dans les grandes villes. On est à Versailles, hein, attention, en campagne, ça ne serait pas la même scène. Et on y voit une classe bien équipée, hein, des beaux pupitres, des élèves, que des filles du même âge, hein, c'est important, on l'a dit avec la méthode simultanée, en train de suivre une leçon, et le professeur est une religieuse, hein, catholique, que l'on voit bien. Et on voit sur les murs de la classe des signes, la Vierge à l'enfant, un crucifix, qui nous précise bien qu'on est dans une école confessionnelle. Ça me semblait important parce que quand on voit ensuite la salle de classe, donc dans notre musée, une reconstitution d'une salle de classe des années 1900, on va dire, hein, la salle de classe typique de la Troisième République, on voit qu'on est dans le même monde, hein, très clairement, les mobiliers, les enfants, la façon de mener la classe sont les mêmes. Les crucifix vont être remplacés par le buste de Marianne. Par le drapeau français, les leçons de la Bible, hein, les phrases qu'on étudie tirées de la Bible sont remplacées par des maximes et des morales républicaines, très clairement. Généralement, l'histoire de la genèse de la pensée laïque, on la voit beaucoup comme l'histoire d'une opposition entre la tradition républicaine et l'Église catholique. Rita Hermon-Bello. Alors, moi, je ne dis pas que ce soit faux. Je ne veux pas remplacer une conception par une autre, c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut compléter cette histoire-là par une autre, qui est celle du statut des religions, de ceux qu'on appelait les non-catholiques, hein, qu'on appelait encore tout au long du XIXe siècle, les non-catholiques. Et il me semble que la présence, même si démographiquement elle est faible, de groupes non-catholiques... Protestants, juifs. Protestants et juifs. Et le fait que toute une partie des principes de la Révolution française ont été conservés, même par les régimes les plus réactionnaires, hein, pendant le XIXe siècle. Hein, la charte de la Restauration, elle dit que la religion catholique est la religion de l'État, mais elle dit aussi que l'État protège tous les cultes. Elle dit les deux choses. Alors, on peut penser que c'est contradictoire, c'est vrai. C'est volontairement contradictoire. C'est l'inspiration de Talleyrand qui a mené à ça. Et Talleyrand, avec l'humour qui lui est propre, hein, dans une correspondance tout à fait privée, dit bien que il est tout à fait conscient du fait que c'est contradictoire et qu'il l'a voulu comme ça. Donc il y a une partie des principes de la Révolution sur lesquels on n'est jamais revenu. Demain matin, de 8h30 à 9h30, composition de morale. Inscrivez, je vous prie, la date de ce concours sur vos cahiers de textes individuels. Fais le bien sur le champ, tu n'es pas sûr de vivre longtemps. Delphine Campagnol, directrice du Musée national de l'éducation de Rouen. Donc c'est une maxime qui est extrêmement dure quand même, assez grave, hein, puisqu'elle renvoie quand même à l'idée de la mort. Et on voit bien effectivement là tout le lien avec cette morale chrétienne justement, hein, avec cette notion de péché et de la question effectivement de l'éternité, si on se conduit bien, si on est un bon chrétien. Et on verra effectivement qu'il y a toujours cet héritage quand même dans la morale laïque, dans la morale républicaine, de cette morale chrétienne. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'une telle maxime, qui est faite pour une école républicaine des années 1880, si on suit le cartel de ce musée national de l'éducation, pourrait être à la même époque utilisée dans une école chrétienne ou catholique ? Oh oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le constate dans des cahiers d'élèves qui sont, par exemple, des cahiers d'écoles confessionnelles ou d'écoles laïques, où l'on voit bien que les leçons de morale, bien sûr, se rejoignent et qu'on dit effectivement la même chose, par exemple, sur la thématique des devoirs envers ses parents. On est tout à fait dans un langage commun et partagé. Ça veut dire que si pour une raison ou pour une autre, la famille veut partager ses enfants entre deux écoles, les filles à l'école chrétienne et les garçons à l'école laïque, il n'y aurait pas toujours une très grande différence de ce qu'ils apprendraient ses enfants en matière de morale, puisque ces morales se rejoignent à certains moments, pas surtout évidemment. Oui, effectivement, pas surtout, mais effectivement sur les thématiques en lien avec l'individu, ce qu'il faut faire pour être une bonne personne, être en bonne santé, bien se conduire avec autrui, avec son prochain, hein, on dirait dans une école confessionnelle. Là, effectivement, il y a des similitudes très très fortes. Et ce que vous disiez est aussi très important, à savoir que on constate notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle que beaucoup de familles choisissent effectivement d'envoyer leurs filles plutôt dans les écoles confessionnelles de leur commune, alors que les garçons vont aller quelquefois vers l'école laïque. Monsieur l'instituteur, l'année scolaire qui vient de s'ouvrir sera la seconde année d'application de la loi du 28 mars 1882. Je ne veux pas la laisser commencer sans vous adresser personnellement quelques recommandations qui sans doute ne vous paraîtront pas superflues après la première expérience que vous venez de faire du régime nouveau. La loi du 28 mars se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire. D'une part, elle met en dehors du programme obligatoire l'enseignement de tout dogme particulier. D'autre part, elle y place au premier rang l'enseignement moral et civique. L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église, l'instruction morale à l'école. Le législateur n'a donc pas entendu faire une œuvre purement négative. Sans doute, il a eu pour premier objet de séparer l'école de l'Église, d'assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves, de distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus. Celui des croyances qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances, qui sont communes et indispensables à tous, de l'aveu de tous. 1883, lettre de Jules Ferry aux instituteurs. Alors, il y a une scène qui montre effectivement de façon pratique la laïcisation des écoles. C'est cette scène que nous avons sous les yeux, qui est tirée de la Presse illustrée de 1881, qui est un moment, disons, difficile, délicat de l'histoire de la France, un peu oublié aujourd'hui, mais néanmoins, qui a été transmis ce moment par de nombreuses gravures, dont celle que nous avons sous les yeux. Alors effectivement, c'est une scène où nous sommes à Paris. C'est une image qui est beaucoup représentée pour raconter cet épisode qui a beaucoup marqué la société française. Cette scène où les forces de l'ordre vont enlever les crucifix des salles de classe. Et cette thématique, en fait, elle est très importante pour frapper les esprits. Là, on voit très nettement que les religieuses sont là, entourent les enfants qui sont, pour certains, en train de pleurer. Et puis, vous avez les parents derrière qui lèvent les bras. On pourrait presque les entendre crier au scandale. Et cette image, elle est le reflet de quelque chose qui s'est effectivement réellement passé. Et là aussi, c'est intéressant de confronter cette représentation à des témoignages. Et par exemple, nous avons ici, dans les fameuses enquêtes menées par Jacques Ouzouf, un témoignage d'une certaine Madame Avenier, qui a été institutrice à Moulins, dans l'Allier. Et si vous me le permettez, je vais lire le petit passage où elle relate l'épisode qu'elle a vécu. « J'étais nommée le 1er octobre 1903 à Courset, où j'ai fait la laïcisation. » À 8 heures, je vais voir mon collègue qui me reçoit à la porte de son couloir. Je prends possession de deux salles de classe vides d'élèves. À 8h30, deux élèves accompagnés de leur mère. À midi, je suis allée chercher une troisième élève, fille d'une commerçante, en tout trois élèves. Donc déjà, première indication, on voit bien qu'il y a un blocage des familles. Elle a seulement trois élèves. Et puis elle poursuit en nous expliquant qu'effectivement, je la cite, « Dans la classe de garçons, nous voyons un Christ en pendu au-dessus du bureau du maître. Mon mari l'enlève avant la rentrée des élèves, le couche dans le placard de la classe. Au bout de quelques temps, il reçoit de l'administration une note demandant « Où est le Christ ?» Enquête. Explications fournies qui ont satisfait l'administration. Le curé et une partie de la population mécontents ont fait élever un calvaire en face de l'école. Il y a eu cérémonie religieuse avec procession. Donc on voit effectivement que la réponse là est assez impressionnante et qu'au crucifix enlevé, on répond par un calvaire que l'on place devant l'école. Et cette laïcisation porte donc sur les signes extérieurs de la religion, pourrait-on dire aujourd'hui, dans la classe, bien évidemment. Mais elle ne porte pas sur la morale qui nous occupe avec vous, Delphine Campagnol, puisque une partie de cette morale catholique va continuer à cheminer à l'intérieur de ces écoles laïcisées par l'intermédiaire des leçons de morale telles qu'elles sont enseignées par les instituteurs de la République. Oui, effectivement. Et puis, on voit que ces leçons de morale, elles vont avoir de réelles vertus. Certains parents vont d'ailleurs remercier certains instituteurs de prodiguer ces messages. Nous avons, par exemple, une autre de ces enquêtes aux ouf, une certaine Augusta Pellegrin, qui témoigne qu'un jour, elle reçoit la visite d'une mère de famille qui tient à la remercier de ces différents cours de morale qu'elle donne à ses élèves. Et elle explique qu'en fait, elle a été orpheline et qu'elle a été élevée dans une pension religieuse et qu'elle ne connaissait pas l'école laïque. Et qu'en arrivant effectivement dans ce village, elle a pu, à travers sa fille, voir quel enseignement était donné. Et elle tenait effectivement à saluer cette institutrice pour le message universel qui était donné aux élèves. Donc c'est effectivement l'école de la réconciliation qui prend forme à cette époque-là. Les instructions de Jules Ferry sont formelles là-dessus. On ne doit jamais froisser la conscience d'un enfant, que ce soit dans l'enseignement de la morale ou dans tout autre enseignement. Et les règles de morale que nous avons données, bien, si elles sont appliquées par les enfants, c'est parfait, c'est très bien. Il ne faut pas voir dans la laïcité un esprit de combat. C'est la tolérance, l'esprit de laïcité. C'est véritablement la tolérance. Et l'école laïque est l'école accueillante à tous. C'est ce qu'on ne croit pas assez. On déforme un peu le sens du mot laïcité. On en fait un mot offensif. On croit qu'on part pour lutter. Mais non, c'est l'école de la tolérance, l'école où chacun peut s'épanouir. Monsieur Denux, instituteur au début du XXe siècle. Pour servir le prochain, je ne m'embarrasse pas de son culte. À ce moment-là, il s'agit pour les Républicains de répondre en fait à un double objectif. Frédéric Moll, historien de l'éducation. D'abord, rassurer les catholiques. Et il peut y avoir une morale consensuelle, qui n'appelle pas de discussion, qui englobe toutes les morales religieuses du passé. Et puis, il s'agit aussi de préparer, on peut dire, des citoyens loyaux vis-à-vis du régime républicain. Dans la lettre aux instituteurs, Rita Hermon-Bello. Jules Ferry dit bien que l'instituteur doit s'abstenir de tout ce qui pourrait choquer tout père de famille. Qui pourrait choquer tout père de famille dans sa sensibilité religieuse ou pas. Vous voyez, c'est à la fois, ça comprend les sensibilités religieuses et c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça ne fait pas le pari que chacun a forcément une sensibilité religieuse. Monsieur l'instituteur, j'ai dit que votre rôle en matière d'éducation morale est très limité. Vous n'avez à enseigner, à proprement parler, rien de nouveau, rien qui ne vous soit familier comme à tous les honnêtes gens. Et quand on vous parle de mission et d'apostolat, vous n'allez pas vous y méprendre. Vous n'êtes point l'apôtre d'un nouvel évangile. Le législateur n'a voulu faire de vous ni un philosophe ni un théologien improvisé. Il ne vous demande rien qu'on ne puisse demander à tout homme de cœur et de sens. Il est impossible que vous voyiez chaque jour tous ces enfants qui se pressent autour de vous, écoutant vos leçons, observant votre conduite, s'inspirant de vos exemples, à l'âge où l'esprit s'éveille, où le cœur s'ouvre, où la mémoire s'enrichit, sans que l'idée vous vienne aussitôt de profiter de cette docilité, de cette confiance, pour leur transmettre, avec les connaissances scolaires proprement dites, les principes mêmes de la morale. J'entends simplement cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères et mères et que nous nous honorons tous de suivre dans les relations de la vie, sans nous mettre en peine d'en discuter les bases philosophiques. Delphine Campagnol, nous sommes dans les réserves visitables du Musée national de l'éducation de Rouen que vous dirigez et vous avez sorti pour nous tout un tas d'exemples, pourrait-on dire, de support à la morale républicaine, à la morale à l'école. Alors il y a là sur cette table à la fois des cahiers d'élèves, des livres qui permettent aux enseignants eux-mêmes de s'y retrouver parce que effectivement il faut former ces instituteurs de la Troisième République. Ces livres, ce sont des livres que nous avons ici. Il y a devant nous la morale à l'école de Jules Payot ou d'autres types de livres. C'est quoi ce livre? C'est une histoire de France, mais l'histoire de France sert aussi à donner des exemples moraux. Donc on a effectivement, avec cet exemple d'Histoire de France de Léon Brossolette, un exemple de cours qui permettait aux enfants d'avoir des modèles d'excellence sous les yeux. En revanche, il faut bien avoir conscience que certains de ces élèves ont posé problème à l'école, à l'Église catholique, et notamment cet ouvrage qui a fait partie de cette fameuse guerre d'Emmanuel, tout comme ici nous avons l'ouvrage de Gabriel Compéret qui, à travers ses éléments d'instruction morale et civique, a voulu aussi que l'enfant et d'autres références. Si je prends comme exemple le livre 5 consacré à la patrie, on voit qu'il choisit effectivement pour évoquer le patriotisme dans la bourgeoisie, les six bourgeois de Calais. Mmh. Donc cet épisode qui va être d'ailleurs un an plus tard choisi par Auguste Rodin. Donc là nous sommes avec une publication datée de 1883 et une année plus tard, effectivement, Rodin choisit de s'atteler à cette œuvre phare que nous connaissons tous. Donc, ces auteurs qui vont être décriés par l'Église, pourquoi ? Parce que effectivement, ils montrent bien à ses enfants que même si on s'inscrit dans une histoire, c'est-à-dire qu'on n'omet pas, par exemple, de parler de Jeanne d'Arc, hein, mais effectivement, c'est important de voir que dans la formulation, on peut émettre un doute, puisqu'on peut lire, par exemple, que Jeanne d'Arc a cru entendre des voix. Mmh. Et c'est ça, par exemple, que l'Église ne peut tolérer, de mettre le doute dans l'esprit de l'enfant. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes personnages, on donne des exemples et des exemplats comme l'Église avait forgé des exemplats médiévaux pour pouvoir permettre aux croyants de se tenir dans une société chrétienne, mais simplement on les détourne légèrement pour leur donner un autre sens, ou du moins on enlève une partie catholique, en particulier une partie chrétienne, à cet enseignement. Oui, alors c'est important effectivement de bien voir que l'école de la Troisième République n'est pas une école sans Dieu. En revanche, elle est contre les cléricalismes. Et c'est là toute la nuance et toute la difficulté de cette époque entre ces deux écoles, ces écoles confessionnelles et cette école républicaine. Et d'ailleurs, ces combats, on en a trace aussi dans un corpus d'archives qui est absolument exceptionnel. Que vous possédez ici à Rouen. Que l'on possède, et on est vraiment très fiers et très honorés que Mona Ouzouf ait choisi le Musée national de l'éducation pour accueillir les enquêtes que son mari Jacques avait initié dans les années 60 auprès d'instituteurs et d'institutrices ayant enseigné avant 1914. Et dans les différentes questions que Jacques Ouzouf posé aux instituteurs et aux institutrices, il posait bien sûr des questions sur le contexte au moment de la laïcisation, et certains instituteurs ou institutrices d'ailleurs ont relaté les très grandes difficultés. Et on a du mal aujourd'hui à réaliser ce par quoi ils sont passés. C'est un climat qui est quand même très compliqué. Il y a notamment de la part de certains curés, voire des curés soutenus par des maires, un comportement vraiment... Belliqueux. Belliqueux, oui, c'est le terme. Notamment, là, nous avons un exemple d'un instituteur qui a enseigné dans la Manche, Monsieur Leveneux, qui relate un épisode où, ayant utilisé certains des manuels qui avaient été interdits par l'Église... Alors qu'il était dans une école laïque, il doit faire face à l'hostilité, effectivement, non seulement du curé, mais aussi de la population. Il faut bien avoir conscience qu'il y a eu des grèves, c'est-à-dire que certains parents ont enlevé leurs enfants pendant pratiquement une année scolaire parce que des instituteurs et des institutrices ne voulaient pas faillir, ne voulaient pas renoncer. Ils respectaient en fait les préconisations des inspecteurs. Donc les instituteurs effectivement ne voulaient pas renoncer et ils décidaient effectivement de continuer à utiliser par exemple l'Histoire de France de Brossolette, l'ouvrage Comparé. Ils utilisaient aussi, alors là, cet ouvrage, nous ne l'avons pas, malgré le grand nombre de manuels scolaires que nous possédons au Musée national de l'éducation, nous n'avons pas celui-ci. Le manuel publié par Madame Henri Gréville, qui est une instruction morale et civique des jeunes filles de 1882, mais qui fait partie des fameux quatre ouvrages interdits en 1882. Et pourquoi était-il interdit, celui-ci, par exemple ? Alors, celui-ci, parce que effectivement, on évoque des sujets nouveaux, comme la question du vote vote des femmes. Alors, bien sûr, elles ne votent pas, mais il y a tout un développement, effectivement, d'un paragraphe qui montre que les femmes sont là aussi, peut-être, pour conseiller leur mari. Donc, c'est un nouveau positionnement aussi de la femme. On voit bien que là aussi, cette école de la Troisième République, elle a quand même à cœur de donner un nouveau rôle aussi à la petite fille, à la jeune fille. Honneur et gloire à l'école laïque. À l'école sans Dieu et sans morale. Une ancienne élève du début du XXe siècle, interrogée dans l'émission Les Hussards Noirs de la République en 1981. Pour eux, c'était l'école sans Dieu et sans morale. Sans Dieu, bien sûr. Parce qu'il n'y avait plus les Christ dans l'école, il n'y avait plus la prière, il n'y avait plus tout ça. Mais sans morale, il n'y avait pas la morale, leur morale à eux, mais il y avait la nôtre, la morale laïque, qui est certainement bien supérieure, tout au moins égale au point de vue moral. Et il n'y a pas la rémission des péchés, il n'y a pas l'absolution, il n'y a pas... Son absolution, il faut se la faire soi-même. Vous voulez dire que c'est moins facile? Ah, sûrement. C'est bien facile quand on a fait une grosse faute d'aller se confesser, de dire c'est fini, t'es blanchi, tu peux recommencer. Dans les années 1880, il y a dans le camp républicain quelque chose qui fédère le républicanisme, c'est un certain anticléricalisme. Frédéric Moll. Et même si la morale sans épithète de Jules Ferry est une morale qui englobe les morales religieuses, il y a un consensus sur le fait que cette morale ne doit pas effectivement venir perturber l'ordre politique qui est en train de s'établir. Donc, il y a effectivement des dissensions dans les années 1880, mais elles viennent plutôt de l'extrême gauche, de la gauche socialiste révolutionnaire. Par exemple, Jules Guesde n'accorde aucun crédit à l'école laïque, et encore moins à la morale laïque, puisque pour lui, il s'agit, à la place de la foi chrétienne, de substituer la foi capitaliste, c'est-à-dire de mettre la religion du capital dans le cerveau en formation de la France ouvrière. Donc il y a des dissensions, mais elles restent quand même partielles. Il y a une unité du républicanisme, et c'est surtout autour de 1900-1905 que certains socialistes, radico-socialistes et syndicalistes commencent à vouloir réformer la morale laïque. La morale laïque. Nous avons signalé l'intéressant travail de la Semaine religieuse de Verdun sur une brochure que la Ligue pour la défense de l'enseignement public, section de Verdun, adressait secrètement vers le 15 mars à ses adhérents et à de nombreux instituteurs. C'est une plaquette de 12 pages intitulée « La morale laïque par un inspecteur primaire » avec le sous-titre « Principes, méthodes et principales conclusions de la morale laïque et scientifique ». Nous sommes heureux de donner ici la plus grande partie de cette remarquable analyse. La morale laïque émet la prétention de diriger l'activité humaine dans toute sa complexité. Ainsi, sans Dieu, sans religion, sans pensée vers l'au-delà, l'activité humaine serait complète. Quel ravalement de l'humanité, condamnée à n'avoir d'autres aspirations que celles de la vie présente. Elle prétend enseigner avec certitude le sens de la vie humaine. En voilà une prétention affectant d'ignorer d'où vient l'homme et où il va. La morale laïque se dit capable d'enseigner avec certitude comment l'homme doit se conduire. Est-il possible de mettre plus d'audace à flatter ce qui n'a pu aboutir depuis plus de 25 ans qu'à l'accroissement de la criminalité et de l'immoralité? Il faut donner à tout enfant cet enseignement rationnel et scientifique qui le fait entrer dans l'humanité. Cette conclusion indique le but que poursuit monsieur l'inspecteur primaire, in cauda venenum. Elle dit en termes équivalents aux instituteurs, « Vous devez vous inspirer de ma brochure pour votre enseignement moral et inculquer ces idées à vos élèves pour les faire entrer dans l'humanité. » Halte là, monsieur l'inspecteur. Ceux qui n'acceptent pas vos théories font partie, au moins autant que vous, de l'humanité. Les enfants sont autre chose que des animaux avant que vous n'ayez pétri de vos blasphèmes leurs frêles intelligences. Et ceux qui ont le bonheur d'échapper en vos mains Ceux qui, malgré vous, croient encore en Dieu et en sa religion, sont encore des hommes, autant et plus que vous. C'est ce qui prouve la différence entre leur idéal et le vôtre. L'Univers, 2 janvier 1910. Un certain nombre de représentants des courants les plus conservateurs de l'Église catholique ont raillé cette morale laïque en disant qu'elle se donne le nom de laïque, mais qu'en fait elle emprunte beaucoup à certains préceptes qui sont considérés par ces personnes-là comme catholiques. Hein. On pourrait dire que ce sont des préceptes bibliques. Hein. Rita Hermon Bello. Et alors, effectivement, elle se forge sur tout ça. Ferry, dans sa lettre aux instituteurs, dit très bien, c'est la sagesse du genre humain, c'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. Donc, c'est à la fois un patrimoine, c'est un héritage, mais alors à ce moment-là, c'est un héritage qui est plus large que l'héritage spécifique des différentes religions. Et puis, c'est aussi, me semble-t-il, une attitude nouvelle à l'égard de ce patrimoine, dans la mesure, effectivement, où Jules Ferry dit bien, c'est dans les toutes premières choses qu'il dit, quand il écrit, qu'il dit en s'adressant aux instituteurs, l'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église, l'instruction morale à l'école. Alors, c'était l'époque des grandes luttes scolaires. Est-ce que vous en avez conservé des souvenirs encore vivants? Oh, très vivants. Pour une bonne raison, c'est que nous avons totalement vécu notre jeunesse dans ce bain-là, en somme. Alors, il y avait l'école privée, et qui était l'ancienne école qui avait toujours existé, et l'école laïque. Et voilà, l'école laïque, on ne voulait pas en entendre parler. Il y avait que les vieux républicains qui envoyaient leurs enfants à l'école laïque. Alors, de ce fait, on était très mal vus dans le pays. Et quand il arrivait qu'à la sortie de l'école, les deux écoles se rejoignaient vers l'église, accompagnées chacune de par leur maîtresse, alors, vous savez, les mots n'étaient pas toujours très, très aimables. Comment vous appelait-on? Eh bien, l'école laïque, on avait demandé à ce que les enfants de l'assistance aillent à l'école laïque. Alors, on nous disait méchamment, « Ah, elles vont à l'école des bâtardes !» Alors, on pensait que nous, ça ne nous plaisait pas du tout. Et si c'était dans l'hiver où il y avait de la neige, eh bien, elles étaient sérieusement servies avec les boules de neige. C'était un véritable pugilat. Ah oui, c'était un combat. Et voyez, c'est une chose, une division qui vraiment a resté tout le temps. Même étant jeune fille, nous n'étions pas vraiment amies, on n'a pas fait d'amis. Chacun restait dans son clan. Et c'est tout. Et peut-être même dans la vie, on pourrait dire que ça s'est continué. Et c'était terrible, ça, parce que c'était toute une jeunesse qui était divisée pour une question d'école. Je vous préviens tout de suite. La question que vous aurez à traiter demain, et qui décidera de votre rang, ne sera pas une question particulière et limitée, comme le serait une question sur la patrie, le civisme, les devoirs envers les parents ou les animaux. Non. Ce sera plutôt, si j'ose dire, une question fondamentale sur les notions de bien et de mal, ou sur le vice et la vertu. Pour vous préparer à cette épreuve, nous allons nous pencher sur les mœurs des peuples civilisés et nous allons voir ensemble quelles sont les nécessités vitales qui nous forcent d'obéir à la loi morale, même si notre esprit n'était pas naturellement porté à la respecter. Alors, nous sommes avec vous, Delphine Campagnol, face à des cahiers, qui sont des cahiers qui ont été rédigés par certains élèves et certaines élèves des années 1880-1900, dans des collèges différents, à Dijon, à Rouen ou ailleurs. Ces cahiers parlent évidemment de morale. Qu'est-ce qu'ils nous montrent, justement, sur cette morale quotidienne républicaine telle qu'elle a été voulue par l'école de la Troisième République? Alors, Effectivement, ces cahiers sont intéressants parce que, notamment dans le cahier du jour, on a tout le déroulement pédagogique avec, en premier lieu, bien sûr, la leçon de morale. Vous avez notamment aussi une maxime qui est reproduite au départ. Hein, c'est le début de la journée. Donc, si par exemple, je prends cet ensemble de cahiers qui nous viennent d'une école parisienne, nous avons cette maxime, l'homme est le roi des animaux, il ne doit pas en être le tyran. Cette thématique de la bonté envers les animaux, elle est extrêmement présente. C'est vrai que nous sommes dans une société rurale, donc avec effectivement une population qui élève des animaux à la campagne. Et si l'on dit aux enfants que, bien sûr, on a le droit de les tuer dans le cadre, effectivement, de l'élevage et pour nourrir l'homme, on précise bien aux enfants qu'on n'a pas le droit, en fait, d'être maltraitant, même si ce n'est pas le terme qui est utilisé à l'époque, mais on montre bien qu'il faut être bon avec les animaux et cette maxime en est le reflet. Et cela, justement, ça montre une école qui est à la fois rurale et urbaine. On peut aussi bien enseigner cela à des jeunes enfants parisiens des années 1910, par exemple, que dans des écoles rurales du Poitou, de l'Aveyron ou de la Bretagne, en l'occurrence, parce que cette morale est unifiée. Elle est unifiée par les inspecteurs, par l'éducation nationale, qui s'appelle l'instruction publique à cette époque-là. Oui, c'est vrai que c'est une véritable volonté des réformateurs de cette école de la Troisième République. Il y a vraiment la volonté d'un universalisme. Il y a vraiment cette volonté aussi de permettre aux enfants de réfléchir et d'aborder des thèmes fondamentaux en lien avec l'émancipation de l'homme, la question effectivement du bien public, la question qui est aussi très importante dans ces leçons de morale, c'est bien se conduire aussi par rapport à la société. On est un élément de la société. Et du coup, effectivement, ce message, que l'on soit un élève de Bretagne ou un élève du Poitou, on va effectivement retrouver les mêmes préceptes moraux qui sont véhiculés par cette école républicaine. Dans les années 1880, il s'agissait effectivement de trouver un consensus, d'asseoir la République. Frédéric Moll. Et lorsque la loi de séparation de 1905 est adoptée, Ferdinand Buisson, par exemple, qui était quand même le directeur de l'enseignement primaire sous Jules Ferry et le maître d'œuvre des lois Ferry, considère que une étape est franchie, qu'il y a une conquête de l'école républicaine et de la laïcité de l'État d'ailleurs, et qu'il faut maintenant ouvrir l'école vers des réformes démocratiques et en particulier réformer la morale laïque. Pour lui, il faut concevoir une nouvelle éducation morale qui doit faire prendre conscience aux élèves du caractère inachevé de la République. La République est installée, elle est garantie désormais, et en revanche, elle est encore limité par un certain conservatisme social. Il faut donc développer l'exercice du jugement critique et favoriser un mouvement vers une société plus juste. On le voit par exemple lors du congrès de la libre pensée de 1905, association que préside Buisson. Il fait adopter une déclaration sur la morale sans Dieu au point de vue pédagogique. Et cette morale sans Dieu repose sur deux idées corrélatives. D'abord, il faut développer la liberté des individus en favorisant la possibilité de leur développement intégral. Et puis, il faut assurer une solidarité sociale, c'est-à-dire une coordination de cet individu avec tous les autres. Mais ce qui est important, c'est que Buisson précise que ces deux grandes idées ne doivent pas se limiter à l'ordre formel et politique. Elles doivent s'étendre au règlement des problèmes économiques, dit-il. Et je le cite, en reconnaissant à tout homme le droit à la vie et au développement intégral de son caractère d'homme, la démocratie s'engage à supprimer toutes inégalités qui viendraient non de la nature, mais du fait de l'organisation sociale. Mmh. Autrement dit, si vous voulez, elle doit faire comprendre aux élèves qu'ils ont un rôle à jouer dans le processus de transformation sociale. certains instituteurs, dès 1904, dans la revue de l'enseignement primaire en particulier, ouvrent une nouvelle rubrique qui s'intitule « La philosophie du petit citoyen, cours de morale pour les enfants de 11 à 14 ans ». Et les deux auteurs socialistes définissent la morale comme la science de la vie heureuse et bienfaisante. Et je donne un seul impératif formulé lors d'une de ces leçons. Vous n'avez pas le droit de vous en tenir à un idéal qui ne donnerait pas complètement satisfaction à votre désir de justice, d'égalité, de bonheur pour tous les hommes. Autrement dit, il y a des tentatives de diffuser par la voie de leçons dans cette revue d'enseignement primaire, qui est une revue socialiste, qui sera dirigée l'année suivante par Jaurès. Il y a des velléités de diffuser effectivement une nouvelle conception de la morale laïque. Bon, de quelle façon les instituteurs s'emparent-ils de ces prescriptions dans les classes? Encore une fois, il est très difficile de le savoir. Pour vous, Madame Lenoir, pour le mot laïque, c'est... Le mot laïque, c'est tout pour moi. C'est vrai, c'est élever des enfants pour les faire apprendre, pour leur donner une bonne situation, pour leur inculquer certaines choses, certains idéaux. Et est-ce que vous pourriez préciser justement cet idéal? Cet idéal que vous aviez lorsque vous étiez une jeune institutrice, que vous vouliez transmettre à vos enfants. L'idéal de faire pour l'un absolument comme pour l'autre, qu'il n'y ait ni pauvre ni riche devant l'instruction, que tous doivent apprendre et que tous peuvent s'élever grâce à l'instruction. La morale laïque, elle a eu une stabilité, mais on a essayé de la remanier, de la repenser. Et lorsque, dans son article moral, Buisson dit « Il faut ajouter au chapitre précis de notre cours de morale pratique, conforme aux lois et aux usages, un autre chapitre réservé à l'avenir, dépassant la stricte justice d'aujourd'hui et prévoyant ce que sera la justice de demain », eh bien, il explique qu'il va falloir faire muter la morale laïque. Mais il n'est pas certain, encore une fois, que cette conception sociale, en l'occurrence de la morale, qui doit embrasser la perfectibilité de la République et aussi de la société, se traduise, encore une fois, dans des modifications des pratiques quotidiennes des instituteurs. Ça, c'est vraiment, je le redis, très difficile de le savoir. Et au contraire, on peut penser qu'il y a eu très longtemps une stabilité, même jusque dans la fin de la Troisième République, dans les années 20 et 30. Nous voici donc avec vous, Delphine Campagnol, devant une nouvelle série d'images que vous avez sorties pour nous des fonds et des réserves de ce Musée national de l'éducation de Rouen. Ce sont des couvertures de cahiers, là, encore ? Oui, encore une fois, des couvertures de cahiers. Alors, vous voyez que certaines sont d'ailleurs très abîmées, hein, parce qu'elles ont servi, elles ont été manipulées par les enfants. Et alors, on a des séries qui renvoient encore une fois à la question de la place de la femme. Voilà, il faut imaginer que ces scènes, on les retrouve également dans les manuels de morale. Ici, j'ai entre les mains des causeries de morale pratique pour l'enseignement secondaire des jeunes filles. Et notamment dans le chapitre qui est consacré à la patrie, on montre très clairement que les Françaises peuvent jouer un rôle. Les femmes ont-elles des devoirs en cas de guerre? Ne pouvant porter les armes, sont-elles néanmoins appelées à s'associer à la défense de la patrie? Il y a donc tout un développement qui montre en quoi, comment les femmes peuvent venir aider la patrie, comment peuvent-elles être mobilisées pour contribuer aussi à l'œuvre de guerre. C'est une manière aussi là de préparer les jeunes filles à pouvoir accepter et se mobiliser si nécessaire. On est toujours dans cette thématique de la revanche et de la perte de l'Alsace et de la Moselle. Donc il y a effectivement toute une thématique liée à cette thématique de la patrie perdue. Mais il ne faudrait pas laisser croire, en l'occurrence Delphine Campagnol, que ces jeunes femmes n'ont pour vocation que de prendre les armes ou du moins soutenir les soldats qui les prennent. Il y a aussi d'autres vocations que l'école enseigne à ces jeunes filles dans la fillette bien élevée, le livre de lecture à l'usage des jeunes filles des écoles de filles de Jules Steg, par exemple, chez Armand Collin, ou encore avec ses autres couvertures de cahiers que nous avons sous les yeux qui présentent la femme économe, la véritable maîtresse de maison en l'occurrence. Ah oui, alors ça c'est une thématique qui n'échappe pas au manuel de morale pour les jeunes filles. On leur montre bien quand même qu'elles vont avoir un rôle très clair au sein de la famille, au sein de la société, et on les invite à être exemplaires en ce sens, être de bonnes mères, être de bonnes épouses, et notamment le thème de la femme économe, celle qui va bien savoir gérer l'argent du ménage, c'est une thématique que l'on retrouve très souvent. ...1880-1918, l'invention de la morale laïque. Avec les analyses de Rita Hermon-Bello et de Frédéric Moll, ainsi que de Delphine Campagnol et de Marianne Lombardi du Musée national de l'éducation de Rouen, que nous remercions pour son accueil. Archivina, interview d'élèves et d'anciens instituteurs recueillis dans les émissions Le Maître d'école, Les Enfants de la République et Les Hussards Noirs de la République. Lecture, Daniel Königsberg. Prise de son, Frédéric Kérou. Mixage, Cédric Châtelu. Un documentaire d'Emmanuel Laurentin et Renaud Dalmar. Voilà pour ce quatrième et dernier volet de notre série « Éduquer dans son temps » que nous avions préparé dans le cadre de la Nuit des idées qui se déroulera ce soir un peu partout en France et dans le monde autour du thème « Face au présent ». Et dans ce cadre, France Culture vous invite à assister à la Bibliothèque Nationale de France à Paris à 5 débats d'idées autour de thèmes comme « Pourquoi faire encore des enfants ?»« La frugalité peut-elle nous aider à boucler les fins de mois ?» ou encore « Le smartphone nous a-t-il domestiqué ?» Ce sont des débats d'idées à partir de 18h20 à la Bibliothèque Nationale de France avec Hervé Gardin et Olivia Gesbert, et puis un peu plus tard, à partir de 20h15, deux masterclass en public, Pierre-Rosan Vallon interrogé par Caroline Brouet et Mona Ozouf par Perrine Kervan. C'est ce soir, donc, dans le cadre de la Nuit des idées à la Bibliothèque Nationale de France. Et pour notre part, je vous donne rendez-vous demain pour la première table ronde fiction de ce mois-ci, c'est-à-dire du mois de février.